nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Bonjour, c'est Anne-Henri sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gario Arvué, l'émission 387, 36 à Perugen. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le préfixe di, qui permet de faire les contraires, qui permet pratiquement de faire un peu tout ce qu'on veut, hein, pour quand on veut faire le contraire de quelque chose ou exprimer l'absence de quelque chose. Mm-hmm. Alors on avait terminé sur Die Breder, hein, c'est-à-dire insouciant. Et aujourd'hui, alors, on va commencer par Die Profit. Die Profit, ça veut dire qui ne rapporte rien, en fait. Sans profit, quoi. Oui, sans profit, hein, voilà. On l'emploie aussi pour dire déficitaire, par exemple. Mm-hmm. Die Bren, alors, Die Bren, c'est ouvert, c'est, il y a l'idée de débrailler un petit peu, hein, voilà. Dégrafé, voilà. Die chance, c'est facile, hein. C'est malchanceux, quoi. Ouais. Voilà, qui n'a pas de chance. Die Halut, qui n'a pas de pouvoir, impuissant. On trouve une forme aussi qui est proche du cornique. Parfois, on dit Die Galut, hein. Par ici, on dit souvent ça. C'est Die Halut ou Die Galut, hein. Alors, un qu'on entend souvent maintenant, qui était moins, c'est Die Hotos. Die Hotos, c'est inattendu, surprenant. On dira Die Hotos, hein, quelque chose qu'on n'attendait pas. Voilà. Die Huis, qui n'a pas d'odeur, mm-hmm. comme l'argent. Inodore. Die Dabut, alors ça c'est amusant, oui. Die Dabut, ça veut dire indiscutable. Hein, ne ce que tabut, hein, il n'y a pas de discussion possible, quoi. Voilà. Die Dat, qui n'a pas de père, c'est-à-dire orphelin de père. Voilà. Die Dalve, qui n'a pas de valeur. Ouais, c'est assez souvent employé. On trouve, par exemple, un proverbe qui disait « Bepret di Dalve, gav di gari ». C'est-à-dire « Le bon à rien trouve toujours un prétexte pour ne pas faire... » Une excuse, quoi. Une excuse, ouais. Die Dalve, hein, le bon à rien aussi. Hein. Die Dammalse, irréprochable en fait. Hein, Dammalse, accuser quelqu'un, on a déjà traité ce mot-là, donc irréprochable. Qu'on ne peut pas accuser. Voilà. Alors on peut faire vraiment des adjectifs avec à peu près n'importe quoi. Par exemple, on peut dire Die Dohn, sans toi. Mm-hmm. Hein, voilà. Die Doule, sans trou. Intact, quoi. Didrer, imbattable. On dit aussi Didrer russe, hein, dans le sens d'imbattable, mais un peu plus forcé, si on peut dire. Hein. Didrer russe. Didreuse, impénétrable. Ah ah, hein, d'accord. Une végétation, par exemple, qu'on ne peut pas pénétrer, quoi. Alors, Diderot, il y a un mot savant pour dire ça en français, c'est apode, qui n'a pas de pied. Ah ah, d'accord. Diderot. Un très répandu, hein, Diderousse. Silencieux. Il fut un temps où le café de Trémargat s'appelait tout le Diderousse. Ce qui n'est pas tout à fait juste pour un bistrot. Voilà. Die Trubuie, sans problème, hein, Die Trubuie, sans souci en fait, hein. Voilà. Alors un mot qu'on entend assez souvent aussi, Die Imbann, c'est inédit, hein. Imbann, c'est faire paraître quelque chose, hein, éditer. Mm-hmm. Donc Die Imbann, hein. Voilà. Die Envor, sans mémoire. Hein. Ça peut être sans mémoire ou amnésique, quelqu'un qui a perdu la mémoire. Alors, il y en a un qui est très courant, un dieub, hein, qui est libre, indépendant. Hein. Il y a beaucoup d'ailleurs de mots qui veulent dire libre qui commencent par di, hein, c'est-à-dire en fait qui n'a pas de chaîne. Hein. Par exemple, il y a digabest, hein, pas tellement répandu, sans cage, hein, mm-hmm. comme un, voilà. Dival, Dival, c'est alerte. Hein. Par exemple, on va dire « Hesso Dival vit des noix de neus ». Il est encore alerte pour son âge. D'accord. Voilà, tout est relatif. Hein. Diphasi, infaillible, hein. Comme Bayard, un peu sans peur et sans reproche. Hein. Diphasi, hein. Donc sans faute. Ouais. Par contre, Divesonce, quelqu'un qui est mal élevé. Hein. Sans façon. Ouais, oui, sans mais, ouais, mais Divesonce, plus fort que ça, quoi. Ah, oui. Hein, quelqu'un qui est, quand on dit Divesonce, un grossier personnage, d'accord, en fait. Hein. Bon. Difine, c'est sans fin, et il y a un adjectif qui est proche, c'est Difine, qui est immobile, en fait. Alors, il y a aussi Divonde. Hein. Alors, ça s'écrit Difonde, mais ici, le F est presque toujours prononcé V. Donc, Divonde, qui est lent, en fait. Hein. Qui est lent. Eh ben nous, on n'a pas été trop lent. On a peut-être été même un peu vite, parce qu'on a déjà terminé pour aujourd'hui. Merci, Henri. On passe à la deuxième partie de l'émission. Brezhoneg, temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Donc on continue, on avait commencé sur le brofanche et on va continuer. Oui, alors ce que je voulais faire, c'est faire un peu une comparaison entre le breton du pays fanche et le breton du pays ficelle. Là, il y a une petite, une mini frontière linguistique, donc avec des expressions qui sont un peu variables. Alors, bon, c'est l'ébauche d'un travail, hein, parce que il y a un travail beaucoup plus important à faire là-dessus, mais bon, quelques considérations. Alors déjà, j'avais parlé des deux façons de parler un petit peu, et il y a, dans les écrits, on trouve pas grand-chose, il y a un écrivain, et qui écrivait des chansons, des poèmes, qui s'appelait Johan de Brenneberg, hein, qui était de... Donc né à Pemrite et qui était lui qui écrivait le breton du comme on le parle dans le pays fanche. Mm-hmm. C'est on peut dire que c'est un écrivain fanchophone. Par contre, j'ai pas trouvé vraiment de façon d'écrire particulière dans le pays ficelle parce que on trouve par exemple bon Philomena Cadoret par exemple elle écrit un breton très unifié en fait. Hein. Donc il y a peut-être quelques expressions qu'on trouvera, il y aura un long travail à faire là-dessus, mais et puis tout ça, le Garec par exemple aussi, qui est un gris moelleux, mm-hmm. Bon, il a un breton tout à fait standard, hein,

Voilà. Enfin, voilà quelques exemples, en tout cas. Très bien. Merci, Henri. On passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonnevier-Vro. Petra Zonnevier-Vro, Eric. Ben, calze draou Zonnevier-Vro, bouervegie ou zon. Krogom de djentan vel custum, gandelar bourdoua, hag an urfu e war armez. Erion bremont ba mise even. Hag, joan jalran, vo gwellar un amzor ben deo de zon, ka beta bremont n'eo kebe gwal dom, un amzor n'eo kebe gwal dom, hag gouskoude om tos bremont de zon nan, putur ba, waler gwellian, vo evel just, gwan. Mais de bêta vraiment vel meuslar et d'un aura que bêta calz de domdor avait fait bémat, mais fait bémat quand domdor vient d'un trévade ou avec le spire d'un dut, quand même se trouve et zéberor un dut peut faire bras en amzan. Mais bêta vraiment, bon, déouzo, bêta ker, mais de pas calz. Ba fine misme, oua salon de l'arbre douar, ba département Odou en Arvor, avec un salon se zo rand vet terali. Hag blamant zo bet ivez kalze dud a kalze londet, putur zo bet tost tre gant mille dud o fell d'ur salons, hag vid zout oa londet deus eiz oen benefin, Primolstein, putur az oa gret ar honkour bras, vid londet Primolstein, zo zout lez, ma peusoan, pi biou vel vef e bet laret ba bro fisel, Normantet, Montbéliard, zout bris ru, pez vel ar pirouge, ma karet, Mélégande bro Aquitaine, Limousine, Charolais, bon, Gualaret, Boxer Londe, hag concours gis ou agred, hein, hag az zo bet gisma, devel jus vel bepla, concours gis ve gred vid breize bez, vid pem département na mame se, on tant mieux en roi, c'est dur de sta veja ou gis de ze Mayenne, hag evel jus zo bet gwell de tiezeg ur vro, a zo bet de gred un disco ezadeg de pez oa kab hiezeg ze dober. Bon, evimont an tamm war vu e war armez, neus ket gwall belzo ba mur oa gred ur forum war dachen pezh zo moyen d'or evit gwellad ur vu e war armez benefin. Da skouer ba kistreber, zezo kestamber en galag, hein, ve zer de zeyer loustoni gant o jo a gohar. Bon, divon ar evit ar ze gant ar hamion, me ket ve heb trouz a heb zo tradur. Hag kalz draou zo moyen d'or war darchen en endro a vid kad ar vu e gwell ar ma peusoan. Hag ze oa diske d'un dud ba mur. Un DL juz mat pe om komz de se, moa komz de ze louzei ar chimik, a zo diven vraiment vid ba bro Europa, pe dur l'arren gwenan, met bon, ne ket de echu en af ar ze, pe dur, déjà ne vaut que de divenne de louzeyers Rog mistierzu, ne que pas mistierzu avec Hélène Trévalou. C'est tu volar calz de Gwenan de Roise de Blamant. Ag, bon, un divenzeus au vide d'aula, hein, gassi, velar un dar ne que de échu e stourmois. Ka bénéfine, stourmeus au, un stourme, vide de Gwenan, mais vide d'un dud, hein, bénéfine, hein. Peu dur tout d'un trou, et vel juste au liamet, war e blané d'allemand, war ar bête. Vichon montant, war a dash en endro, Strolat Breisbeu, Bretagne vivante, ma peçoin, un esgrès d'Iem von Meur, de ce que gual belzo, bah, peros guirec. Wardro trimi le du de zo, bah, gevridig esse, et vel juste ne wanke tout ban, ban em vaud, hein. Ag gevridig esse, ra wardro, canler, ag zo, guarezen ma, breis ma peçoin. Ag, mesque l'air yo ze ma peçoin, ne zo, quad ke rohu ba mel pistien. Pes velard in gal ag la chair des druides. Ag az ar fe be calz draou de gont o war war pe so en an un bon med de bon calz l'arbre ve gred hein gan gevridiges Bretagne vivante war blachenden an endro neus ke gwal belzo wabet ba gourin o on aime vaut vide zan verien devet ag zo en up de spezo lakad bromen e red lakad rwen Rouen, électron de Loire, on se dit quoi? De l'arrêté, bon, on tombe vel, vel vecan, vel, bah, Big Brother, ah, bah, voilà, que d'un dé, vel, de garde, Rouen, électron, à Zézo. In galak vel arzé, RFID, RFID, Zézo Radio Frequency Identification. In galak vlourm, ma peçoin. Gwenad vel, au bien, trop, disseur, marrément. Bon. Ag, bon, boutso calz eus averien David ag gavte ne ke ren me mestra ar ze. Ag, mi gavtin e zezo ur film zo begred war ze. Ag, Stéphane ur fol neus lard, bon, no ke ren matrez an lakad ur c'hoen elektron eul dustu war, war disk war an David. Med, o vech penek eut vo red or me mestra deus neus lard. Ag bon red vos tourm ma trezen vi harzik a zur war oa l'air un dut un devet o laket c'hoenn ou war un dut a, de diantan volar ad ob re glan o laket te dis halo ur meud sin gwell de ze bel pe sa mod man kont gante hag a benefin o red de tout un dut kard a c'hoenn bon ze oa be displeg deja gant George Orwell ba, pini oa skrivet i lev war Big Brother met tam a tam on n'arrête pas le progrès, Velvelard, d'Ingal. Bon. Dans mon temps, moi, d'Achen, Zévenadur. Calze l'arbour, Végred, Mar et Mang, en Divénour, y'en or Brezon, plus dur, bon, Mancune, en or Garta, de Zémeus Bécombe, déjà. Mais de Bénéfine, or Sturm Diffé, du Zé, plus dur, Nakeden Trou, Aro, Kulzlard. Agandéel, ou Abed, au nœud battu, de, au Casguel, de notre poignant, mère qu'un père, plus dur, notre poignant, zo, cusulier, Fanch Hollande, waron que war pétard, mais cusulier et bopen. Ag, bon, ma trezen IGB, l'on tombe galoud, mais n'y wan que quel de Fanch Hollande, plus dur Fanch Hollande, ou abapar, et c'est, parce que dès que Fanch Hollande, ou une casse-goutte, poignant, n'y que quel de poignant, plus dur poignant, ou être, de Baris. Me sera me sclève l'arme ma treize de vos recevez de un divénaire et leur brison de qu'on veut penek qu'on notre poignant ba miseven bon mine ne grand que de chance aux écales dra mais bonne manera que van ma traîne de rake druk bon sais-tu un ministre a un ministre une discadure en eslard on dra zoué zoir en moyenne de gomes brison de bascol d'asquire vos moyens de l'art d'évesement d'or fugant les présents de gain à de l'art de kénavo des de nonce ma treize bis quartier modèle ya a gassé ma meuse meuse droite de gomme sur raison de gana a pas dire à sa droite de gomme sur raison de on dra fin tu sois réglé être aussi sors mais bon pas basco le vos moyens de l'art au nebe du guerrier au présent de gain Émile Combe hein, bah pédel je crois zo strafouille de grandi hein. Maglé azé ou anke de ma pétamon, ma maman, ma purgator, pe ban hiverne. Mais maglé azé, glé à bout de strafouille, mat. Bon, calzedraou ve en rol da mar emamb a moule dan en rol da breiz, da skouer eus trolat kare mancho en eus en rol d'ur blad en neve, kare mancho zo seiz lao ar nugen zo a loupa de fechou non bavro. Bon, chanche zo betud, me ur strolat zo chom me bopet, an un gret d'ur blad en neve zo. Rosenthalek zo han aven mad bavro ive en eus en rolet, ive ur bladen gant Yannick Nogue pod o son d'ouestan diol pe akorde 11 ma karet hag juzma de bladen zez o haunet mouezan diol neus ket gwell bel zo ba chapel ne oa bet ur staj modal ze vegret pemplau ar nugen zo bremañ hag ba chapel ne veder mat hag gevridig eus ra war dro oa bet krou et gant zikour Gérard Genegoun de Houls, pudior Gérard Genegoun de Houls oa mer ba chapel neve. A der ar an traoù bon un dro, un bopet, a kalz an erien, a kalz gant erien zo bet tremen da ba chapel neve. War dach an histoire vro ve moul eut kalz dro, da skouer iwan ur moulek an eus krive neve so, an eus krive neket im bon roaz bezan, histoire ilis a parouz Zan Laurence, hag lever zeus o bouez, pe diur vez komz eut barz deus hospitaler yon zan yann Jérusalem, rin oa gred zav de Nilis Balor, ne kepel de zam. On din zo et de nan an, neus ku gwal bel zo, e yann Jacques Manrod le Gwarnik, vije gred 200 bremañ Gwarnik koz, hag an din zo neus tourmet, pe diur ba bla milno han hwer a daugen oa bet o ver de dientan a daugzog bugel neus bet oa tre tout hag versen oa vanket an la kanei Garland a Garland e belaket met bon kalze drouz neus gretzi a stourm neus pa ad pel vid kad un droet ma peswant de lakad han oi o brezondek d'ur vuga ale a benefin bon e bet leuske de gost e ur lezen germinal blad onik, lar e oa ket roet e lakad an oio brezondek, da an oio ba jezuel vid ur galak, a bremañ zo moyen de lakad an oio brezondek d'ur vugale, gras de Gwarniko, setu lar an dan trugar e hag chansva tan ba barados ur geltet. Bon, be pla ve gret ba miz me ur gwell ar brezond, ne ke gwell ar brezond, me gwell breiz benefin. De diant an vije l'art gwell er oan, pe dur ze ve get tro gwell zand er oan ba miz me brom me ve l'art de gwell breiz. A brom zo gret, kal zo draou ve gret, da skouer ba Pekin, zo be gret ar feznons, bon, nom ke bet, pel oan tan, bet gret zo ar feznons, hag eus an erien deus bagad elven ne zonet war mag ar veur bro China, grand muraille velvela, hag bon, gwell ar red ober a zivena d'ur breiz, tro ur bet. Bon, ya trawel zo de lar an oaz, me hir vefe bet an tom me gozea den oar ze, hag ben vegel na han volar a ze, pezoen hont de lar a da ze. Ken vegel, Eri.